Fréquence Club. Et maintenant, platine, papa. Bonjour et bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL. On écoute sur le 99FM dans la grande métropole lilloise. Vous pouvez nous suivre aussi via le site RPL Electro. Je vous donne l'adresse, c'est le www.rplelectro.com. Kimbo pour vous accompagner de 7h à 9h. Auparavant, c'était Tonton Jay, son émission Back to the House. Il reviendra samedi prochain dès 6h. Nous sommes partis pour 2 heures de musique électronique. Donc si t'es au boulot, je te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. Bonne écoute sur les ondes de RPL et bon réveil. Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. Thank you. tous les replays sur le www.fréquenceclub.com. vous êtes toujours sur les ondes du 99 FM sur votre radio RPL. On écoute aussi sur RPL Electro avec Kimbo. Bonne matinée. Sur RPL, c'est la base, mec.

Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL dans toute la métropole lilloise. RPL.